على صاحب الخلق العظيم وصاحب السيرة العطرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي il demanda qu'on libère les 700 prisonniers de Bani Qaynuqa. On les libéra, mais les juifs de Bani Qaynuqa, ils étaient touchés par une frayeur qu'ils ont quitté carrément l'endroit où ils habitaient. Ils ont quitté la forteresse et ils ont rejoint Khaybar qui se trouve au nord de Médine. Là, le clan des juifs, il commença à se rassembler. Là, l'ennemi, si vous voulez, le deuxième ennemi après les kuffars de Quraysh, commence à se dresser. Ce clan-là commence à se dresser à Médine. Comme j'ai dit, ils ont quitté la forteresse et ils ont rejoint leurs alliés parmi les juifs, dont ceci à Khaybar. Parmi les événements également qui ont précédé Ghazwat Uhud, parce qu'on sait que Ghazwat Uhud il a eu lieu à la troisième année de l'Hégire, parmi ces événements-là, c'est Sariyat Zayd ibn Haritha. On sait que Quraysh, il vit grâce à quoi? Il vit grâce au commerce. Rihlat al-Sita'i wa al-Sayf. Li ilafi Quraysh ilafihim Rihlat al-Sita'i wa al-Sayf. Le voyage vers le nord, Sham, et un voyage vers le sud. Il ramène la marchandise de Sham jusqu'à la Mecque et puis il la revend. Ils vont jusqu'au Yémen au sud pour la revendre. C'est ça la source économique, si vous voulez, la source financière principale. Leur économie se base sur le commerce. Mais maintenant, après la bataille de Badr, après les expéditions qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie vers Sham qui passe par Badr, les puits de Badr, les kuffars de Quraysh n'osent plus passer par cette voie. Alors ils choisirent une voie qui est vraiment longue. D'abord ils font un trajet vers l'est pour passer à l'est jusqu'à l'Irak, une voie comme s'ils vont vers l'Irak, et puis de l'Irak vers Sham. Ils font un grand détour. Ils ne peuvent pas passer par Badr parce que l'humiliation de Badr et tout, c'était une grande leçon. Donc, ils n'osaient pas s'aventurer. Et là, ils ne peuvent pas se dépasser du commerce. Parce que là, ils peuvent tomber dans la famine, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes. Ils choisirent cette voie qui passe par la plaine de Najd et par l'Irak. À l'est de Médine. Là, ils envoyèrent une riche caravane sous le commandement de Abu Sufyan. Elle transportait une marchandise d'une valeur de 100 000 dirhams d'argent. C'est-à-dire, à l'époque, c'était vraiment une vraie marchandise, une grande valeur. Et là, c'était l'affaire de cette caravane. Il fut tenu secrète vu la valeur de cette caravane, 100 000 dirhams. Donc les grands commerçants, ils ont fait ça secrètement. Même les gens de la Mecque, ils ne furent pas au courant de l'envoi de cette caravane. Ils ont eu peur. Ils ont fait toutes les précautions pour que le prophète sallam et ses compagnons ne soient pas au courant parce que le prophète sallam, il envoie des éclaireurs. Il veut leur barrer ce chemin-là. Pourquoi? Pour une pression pour qu'ils retournent à Allah, une pression pour qu'ils reviennent à Allah et qu'ils suivent l'islam. Derrière ça, une miséricorde. D'accord? Le jihad en lui-même, il est miséricorde. D'accord? Vous avez compris? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a un fils et que son fils, il est malade, il a une appendicite, etc. Lui, il est prêt à voir son fils en train de... les chirurgiens en train de fondre son ventre. Pourquoi? C'est du mal. Mais derrière ce mal, c'est quoi? C'est du bien. Donc, en même temps, c'est une miséricorde. Par la miséricorde d'Allah, Allah, par exemple, il nous met à des épreuves, des maladies. Pourquoi une purification? Peut-être que dans cette maladie, on retourne à Allah. De même, le jihad, en lui-même, c'est du mal, mais derrière, il y a rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il a voulu barrer ce chemin, pas pour les jeter dans la famine ou quoi que ce soit, mais pour qu'ils retournent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tenue secrètement cette caravane. Mais, subhanallah, il y avait une personne qui s'appelle Na'im ibn Mas'ud. Na'im ibn Mas'ud, on va parler plus tard de lui. Il a fait un grand acte de bravoure plus tard dans Ghazwat al-Khandaq. On va en parler, bi'idhnillah, si on est vivant, si on reste vivant, inshallah. Na'im ibn Mas'ud, il vint à Médine. Et il était mécréant. Et il avait un ami pendant la Jahiliya qui s'appelle Sulayt. Sulayt est musulman. Et Na'im ibn Mas'ud, il est parti, il est rentré chez les juifs de Bani Nadir. Il rencontra Na'im ibn Mas'ud quand il rentra à Médine, et il est allé directement chez les juifs de Bani Nadir. Et il a rencontré son ancien ami qui est Sulayt. Sulayt est musulman. Et ils se sont réunis chez une personne qui s'appelle Kinana ibn Abil Huqayq, un juif de Bani Nadir. Et ils ont bu le vin ensemble. Le vin ne fut pas encore interdit. Sulayt restait conscient. Mais Na'im ibn Mas'ud, il fut emporté par le vin, par l'ivresse. Le vin lui a fait jouer des tours. Et puis il commença à parler de la caravane que préparait Abu Sufyan. Et Sulayt, conscient, il écoute. Puis Na'im ibn Mas'ud commence à donner les détails avec le vin, avec l'ivresse. Et lui, il fait partie de la minorité qui a tenu la chose, c'est-à-dire les confidents de Sufyan. Il commence à parler de la caravane, des détails, qui va la diriger, par où il va passer. Tous les détails, il a livré tous les détails à Sulayt. Sulayt directement, il enregistra la cassette et il est allé directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui fit le récit des détails qu'a livré Na'im ibn Mas'ud, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne tarda pas à envoyer une expédition sous le commandement de Zayd ibn Haritha, hibbu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, celui qui a vécu sous Khadija radiallahu anha. Zayd ibn Haritha, il lui donna les instructions de couper la route à la caravane près de Qarada, c'est-à-dire l'un des principaux points d'eau. On sait que la caravane toujours est choisie les endroits où se trouve l'eau pour s'approvisionner d'eau, c'est un abreuvoir aussi pour les chameaux, etc. Et là, Zayd ibn Haritha était aux aguets à cet endroit, à Qarada. Il attendait cette caravane. Bon, Abu Sufyan, il passa par l'itinéraire prévu, comme ce qu'a dit Na'im ibn Mas'ud. Les musulmans, ils attendaient dans sans osager. Et puis là, Abu Sufyan, il passa et les musulmans l'attaquèrent. Ils s'attaquèrent à cette caravane. Lui, il n'était pas prêt parce que ils se sont dit, jamais quelqu'un n'imaginait que l'information puisse atteindre Médine. Donc ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas, il n'a pas engagé des gens qui protègent la caravane. Il a pris la fuite avec les autres, ceux qui étaient avec lui, et ils ont laissé la caravane intacte. 3000 dirhams d'argent, les chameaux, tout ce qu'il y a dedans. Et Zayd ibn Haritha n'a fait que prendre ce grand butin et l'emmener vers Médine tranquillement. Et il prit, en plus de ça, il prit des captifs parmi lesquels Fouas ibn Hibban, qui était l'un des guides, l'un de ceux qui montrent l'itinéraire à Abu Sufyan. Celui-ci, il embrassa l'islam. Voilà, on a parlé de ça. Subhanallah, derrière le djihad, une personne qui rentre en islam. Maintenant, même la route du côté de l'Irak, il fut barré. Et là, c'est un grand problème. Quand cette route, il fut barré, la perte de cette caravane, il a fait monter le désarroi de Quraysh. Et la haine de Quraysh ne cesse d'augmenter. Puis ils sont arrivés à un point, ou bien c'est le combat, ils sont obligés de le combattre, de combattre Mohammed. Ou bien les anéantir, ou bien c'est... ils courent à leur perte, parce que là, toutes les voies sont barrées vers le nord, vers le Chem. Et Abu Sufyan, il demanda à Quraysh que leurs biens qu'ils utilisaient d'habitude pour le commerce, qu'ils le consacrent au combat. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum, liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha, thumma takunu alayhim hasra, thumma yughlabun, walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala révéla, ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Qu'ils les dépensent donc, après quoi ils n'en tireront qu'amertume, et pis que cela, seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés en enfer. Cet argent qu'ils ont donné, il va se retourner contre eux. Abu Sufyan ne s'est pas arrêté là et commença à demander le fonds des renforts des tribus alliées, Ratafan, Ibn Salim, etc. Et il réunit les Ahabish également. On a parlé des Ahabish, c'était une tribu qui regroupe beaucoup d'affranchis. C'était des esclaves qui ont été affranchis, qui se sont réunis dans un endroit. Bon, parmi les gens de Kinana et de Tihama, ils font partie des Ahabish, jusqu'à réunir une armée de 3000 hommes. En si peu de temps, Abu Sufyan, avec son habileté, avec son audace, avec sa diplomatie, il a réussi en si peu de temps à réunir 3000 hommes. 3000 hommes. Et c'est-à-dire en cette année de la troisième année de l'Hijr, au mois du Shawwal, toute l'armée de 3000 hommes, elle s'engagea dans la route pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu vent de cette invasion et il demanda conseil à ses compagnons. Il a dit, quel est votre avis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, on sait qu'il consulte toujours les compagnons, comme il a consulté Hubbab ibn al-Mundhir, comme il a consulté beaucoup de ses compagnons. Toujours il consulte. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit la révélation, et pourtant il consulte ses compagnons. La consultation est très importante. Il consulta ses compagnons et il leur dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sortir de Médine pour les combattre ou on reste à Médine? On reste retranché dans la ville. Hamza, radiallahu anhu, lui dit, oh envoyé d'Allah, si nous restions dans la ville, il dirait de nous qu'on s'est découragé. On sort pour les combattre. Quelques compagnons, surtout ceux qui n'ont pas participé à Badr, c'est qu'ils brûlaient d'envie de combattre, parce que avant ils ne s'attendaient pas qu'il y ait une bataille. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti à Badr, c'était pas pour combattre, c'était pour intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Et puis après ils furent surpris que Abu Jahl fut tué, que Nadr ibn al-Harith, que Umayy ibn al-Khalaf, que la situation a changé, que c'est une bataille qui a eu lieu, et ils ont eu, c'est comme une occasion qu'ils ont ratée. Et là ils commencèrent à brûler d'envie de participer dans cette bataille. Ils ont dit, oh envoyé d'Allah, on veut participer, on veut combattre, c'est-à-dire ils espéraient rencontrer l'ennemi. Et parmi les compagnons, radiallahu anhum, Anas ibn al-Nadr, lui aussi il n'a pas participé à Badr, parce qu'il ne pensait pas comme les autres, qu'il ne pensait pas qu'il y aurait une bataille. Et puis il a dit une phrase, dommage que la première bataille qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas fait partie de cette bataille. Mais par Allah, s'il y a avec l'envoyé d'Allah une autre rencontre avec les Quraysh, après ce jour, Allah verra ce que je ferai. C'est-à-dire, il brûle d'envie de participer à... S'il y a une occasion qui s'offre, une autre bataille, il va participer. Et comme j'ai dit, il était avide comme les autres, et les compagnons commençaient à s'agiter, ceux qui n'ont pas participé à Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, J'ai fait un songe. Ils ont dit, lequel, ont envoyé d'Allah? Il a dit, j'ai vu une vache qu'on égorgeait, et j'ai vu une ébréchure au tranchant de mon épée. Et aussi, je me suis vu en train d'entrer ma main dans une armure solide, dans une forte armure. Le hadith, il est dans le Bukhari. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, c'est quoi l'interprétation de ce songe? Il a dit, les vaches sacrifiées, il a dit, ce sont quelques-uns de mes compagnons qui seront tués. Et il a dit, les brochures sur mon épée, c'est qu'on va subir une mise en déroute. Dans une autre version, il a dit, c'est un coup qui sera porté contre moi. Il a dit, la forte cuirasse, je l'ai traduite par Médine. Je l'ai traduite par Médine. C'est-à-dire où il sera le mieux protégé, c'est à Médine. Puis il dit à ses compagnons, il dit, si nous les attendons dans la ville, ils n'osent pas, ils ne peuvent pas nous confronter. Dans la ville, on est protégé, il y a les murs, et quand ils rentrent, c'est sûr qu'on va les battre. Il a donné cet avis. Et là, ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, durant le Jahiliya, personne n'ose rentrer à Médine, alors dans l'islam, ils peuvent jamais rentrer. Durant le Jahiliya, on était des hommes. Jamais quelqu'un n'a réussi à rentrer à Médine. Dans l'islam, on va baisser les bras. Non, ils vont même pas essayer de rentrer. Sortons pour les combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à consulter, et puis eux, ils disent, on est nombreux, on est là, on est plus fort, on est plus nombreux qu'à Badr, etc. Et Naïm ibn Sa'laba, il a dit, envoyé d'Allah, ne nous prive pas du paradis, car par celui qui détient mon âme, dans sa main, j'y rentrerai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par quoi tu vas y rentrer? Par quoi tu vas rentrer au paradis? Il a dit, parce que j'aime Allah et son prophète. Il a dit, tu as raison. Si c'est parce que tu aimes Allah et son prophète, c'est une cause pour que tu entres au paradis. Bien que finalement, on ne rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, il ramène la miséricorde. De ces discours, il apparaissait clairement que la majorité des assistants, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas rester à Médine. Ils voulaient sortir pour combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'avis de garder Médine, c'est-à-dire de rester à Médine, parce que la victoire serait garantie. Bon, les hommes s'assemblèrent. C'était le jour de vendredi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le Jumu'ah. Avant, il a dit, bon, je prends votre avis, vous êtes mis d'accord sur ce point, c'est qu'on sort. D'accord, on sort. Il accepta leur... ils choisissent ce qu'ils ont choisi. Et il prêcha, sallallahu alayhi wa sallam, et il fit porter serment pour le jihad, et il a exigé l'effort, le sacrifice, l'endurance, la patience. Et puis après, dès qu'il a terminé la prêche, il est rentré chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris son mirfar. Vous savez ce que ça veut dire mirfar? Mirfar, c'est le casque qui protège le visage et la tête. Il protège, il couvre et il protège. D'accord? Mirfar, rafour, c'est un nom d'Allah. Donc, Allah est rafour. D'accord. Donc, Rafour, le mirfar, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre et il protège. Donc, l'explication de l'attribut d'Allah qui est Rafour, ça veut dire qu'il couvre. Il couvre quoi? Il couvre le péché de son esclave et il le protège contre les répercussions de ce péché. Parce que quand on commet un péché, on reçoit le châtiment, soit dans ici-bas, soit dans l'au-delà. Sûr. Soit par la baraka de rizq, il s'annule ou il se réduit, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, rafour, ça veut dire qu'il protège, il nous protège, qu'il couvre ce péché-là, et il nous protège contre les méfaits de ce péché-là. Vous savez, dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, quand son esclave, il comparait devant lui, Allah yakhlu bi 'abdi, il est seul avec lui, comme il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il veut. il est avec son esclave et puis il lui dit, tu sais, le jour tel, l'heure telle, tu as fait ça, et puis l'esclave, il se résit, il dit oui, j'ai fait tel, il avoue, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, je faqad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm, c'est-à-dire, je l'ai couvert, je l'ai protégé, maintenant, je te couvre, et je couvre ces péchés-là, et je te protège contre les méfaits de ces péchés-là, et je te fais rentrer au paradis. D'accord ? Donc, maghfira, c'est ça. Donc ça, c'est dans Tawhid, l'unicité des noms et des attributs. Comme ça, vous comprendrez ce que ça veut dire quand vous dites « Innallaha ghafur », vous comprendrez ce que ça veut dire. Il met le mirfar, il se protège, il fait les causes. Il fait les causes, sallallahu alayhi wa sallam. Il reçoit la révélation. Il sait qu'Allah il va le protéger jusqu'à ce qu'il il termine sa mission et il fait les causes. C'est ça la conviction, c'est ça le yaqin en Allah. C'est ça être convaincu. On fait les causes. Parce que si tu ne fais pas la cause, tu te moques d'Allah. Allah, il t'a donné les moyens que tu dois utiliser et toi tu le rejettes. Pourquoi tu dis j'ai le yaqin? Mais non, ça c'est une fausse compréhension de le yaqin. Faites gaffe à ça. C'est une chose qui touche le dogme dans le sixième pilier de la foi, à savoir l'iman bil qada wal qadar. Le destin et la prédestinée. Allah, il nous demande de faire les causes. Comme il nous demande de faire les causes dans, ici-bas, quand il fait froid, on se protège le corps, etc. De même, quand il s'agit des choses, quand un froid il nous touche, on se protège. D'accord ? On porte les vêtements de laine, etc. Quand les ennemis vont nous combattre, on se protège. On se protège. On ne dit pas qu'on a la conviction totale et on est dénué de toute armure et sans armes, tu le combats. Non, ça, ce n'est pas la conviction. Parce que le fait de faire les causes fait partie de la conviction, fait partie de l'yaqin fillah, subhanahu wa ta'ala. Il a fait les causes. Il s'est revêti de sa cuirasse. Sallallahu alayhi wa sallam. Au dehors, les compagnons, ils commencèrent à se réprimander. Ils ont dit, nous avons contraint l'envoyé d'Allah. Nous l'avons contraint à faire une sortie contre sa volonté. Alors même, l'envoyé d'Allah, il reçoit la révélation du ciel et pourtant nous, on l'a contraint. C'est pas bien ce qu'on a fait. Ils ont dit, on revient à notre décision. On dit au professeur Salam qu'il décide lui-même de ce qui est bien. Puisqu'il c'est lui qui reçoit la révélation et c'est lui qui connaît ce qui nous est mieux profitable, ce qui est bénéfique pour nous et profitable. Ils ont dit, remettons donc la décision entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et laissons-le décider de nouveau. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa maison avec la tenue de combat, ceint de son épée, les compagnons qu'il avait fait changer d'avis beaucoup regrettaient de s'être comportés ainsi. Et ils s'adressèrent à lui. Dès qu'il apparut, dès qu'il sortit de chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, oh envoyé d'Allah, il ne nous appartient pas de faire opposition en quoi que ce soit. Agis donc comme il te semble mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne sied pas à un prophète, une fois qu'il a revêtu une armure, de la déposer tant qu'Allah n'a pas jugé. Ça y est, un prophète avec la valeur qu'il a, le courage qu'il a, les guides de l'humanité, les grands combattants qui sont les prophètes. Quand un prophète, il porte son armure pour combattre l'ennemi, ce n'est pas après il va l'enlever, c'est un signe de découragement et il n'appartient pas à un prophète de faire ceci. Il a dit, je vais le porter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il juge entre lui et ses ennemis. Il a dit, tournez-vous donc et à ce que je vous ai ordonné et faites ce que je vous ai ordonné, patientez, soyez endurants. Si vous faites l'écho, si vous êtes endurants, si vous patientez, Allah, il vous donnera la victoire. Et soyez fermes, etc. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fit remplacer à Médine par Ibn Ummi Maktoum, radiallahu anhu, et quitta la ville avec une armée de 1000 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, grâce aux éclaireurs, que les Quraysh vont aller en direction du nord-est. et vont établir leur camp. Le professeur Salam va établir son camp au pied du mont de Uhud, la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, il se trouve au nord. Au nord de Médine. Et là, le professeur Salim, il a voulu occuper une position qui lui est avantageuse. Une position qui lui est avantageuse dans le combat. Parce qu'à cette fois, il fallait... Bon, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un guide pour qu'il lui montre le chemin par où il passe pour atteindre le point le plus avantageux pour lui. Parce que maintenant, les éclaireurs ils lui ont ramené les nouvelles que ça y est, le Quraysh s'approchèrent à Médine. Donc lui, il faut qu'il aille d'abord... Il a connu leur itinéraire, ils vont passer par le nord-est. Et ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont contourner du nord Médine. Ils vont pas, la Mecque, ils se trouvent au sud. Normalement, ils doivent passer du sud vers le nord. Mais là, non, ils vont contourner comme ça, ils vont être au nord de Médine. Le professeur Salam, quand il est sorti de Médine, il a voulu atteindre un point qui lui est avantageux. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé quelqu'un qui connaît bien, un guide qui connaît bien l'itinéraire. Et ce fut Abu Khaitama qui le guida. L'armée, alors, était obligée de passer par un champ, par un jardin qui appartient à Nurda ibn Qaydi, un aveugle. Et cet aveugle, c'est un aveugle hypocrite. Ils sont obligés de passer par son jardin, sinon ils vont faire un grand détour. En entendant les pas de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mirda ibn Qaydi, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit une poignée de cailloux, de sable, et jeta en direction des compagnons, aveugles. Il jeta le sable en direction des compagnons. Et il leur a interdit de passer par son jardin. Il prétend être musulman. Il leur a dit, je ne vous laisse pas passer par mon jardin. Le prophète lui a dit, nous y sommes obligés. Et puis là, il prenait une autre poignée de sable. Il a dit, Mohammed, si je savais que ce sable n'atteignait pas d'autre que toi, je le jetterais à ton visage. شوف سبحان الله الكفر والعياذ بالله لا سعد بن زيد il donna un coup à cet hypocrite, il le blessa, et puis les compagnons ils accoururent vers Mirba pour le tuer. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit arrêtez, laissez-le. هذا اعمى البصر والبصير اعمى البصير اعمى البصر. Il est aveugle du cœur et aveugle des yeux. Laissez-le. Et ils l'ont laissé. Ils ont rentré quand même par ce jardin. Ils l'ont laissé. Et lui, il a insulté les compagnons. Il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et il passa par le jardin. À mi-chemin entre Médine et Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta. Puis après, il leur dit que il a vu que l'endroit n'est pas convenable. Il donna l'ordre de quitter cet endroit. Et il continua son chemin. Dans l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait qui? Il y avait Abdullah ibn Ubay, celui qui a intercédé en faveur des juifs de Bani Qaynuqa. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu créer le trouble. Il a voulu créer le trouble dans l'armée. Et il dit, commença à parler, il dit, Mohammed, il a écouté la vie des autres et négligé le mien. Il a dit, oh gens, je ne vois pas pourquoi nous perdions nos vies ici. Et en plus, c'était l'avis de Mohammed, c'était son avis qu'on doit rester à Médine, et vous l'avez contraint, commence à créer le trouble. Il a dit, moi, de toute façon, je vais faire demi-tour. Les hypocrites l'ont rejoint, 300. 300 l'ont rejoint, carrément. Et certains musulmans, certains croyants l'ont rejoint aussi. Parmi lesquels, Bani Salama et Bani Haritha. Ils étaient influencés par lui. Regarde, par l'éloquence, par leurs bonnes paroles, ils envoûtent les gens, les hypocrites. Bon, ils l'ont suivi, et puis là, Là, Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir, il courut derrière eux et les exhorta. Il a dit, je vous adjure par Allah de ne pas déserter. Il a dit, il ne faut pas déserter votre peuple, il ne faut pas déserter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il insista dans son rappel, jusqu'à ce que les croyants le rejoignirent. Ils ont failli suivre la tête de l'époque des munafiqin, Abdullah ibn Ubay. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître vos troubles et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous, et il y en a parmi vous qui les écoutent. Parce qu'il y en a parmi les croyants, en bonne foi, qui les suivent. Parce que les hypocrites, ils cachent le coffre et ils montrent l'islam. Donc, ils parlent avec éloquence et tout pour influencer les musulmans. Et beaucoup de musulmans, ils sont tombés dans des pièges comme ça. Ils sont tombés dans des pièges des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est dans Surah Al-Imran, il a parlé de ces deux clans, à savoir Bani Haritha et Bani Salama. Il dit, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Lorsqu'un matin tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat et Allah est audient et omniscient, c'est-à-dire à la bataille de Uhud, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir alors qu'Allah est leur allié, à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Bani Salama et Bani Haritha, les deux. Ceci dans Sourate Al-Imran. À partir du verset 120 jusqu'en bas, c'est Ghazwat Uhud. C'est la bataille de Uhud. Comme c'est rapporté par le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Jabir, c'est le fils d'Abdullah ibn Amr ibn Haram. Lui, il rapporte ce hadith-là. C'est Abdullah ibn Haram, ibn Amr ibn Haram, c'est lui qui a insisté pour que les Bani Haritha et les Bani Salam le rejoignent. Et Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, dans le hadith rapporté par al-Bukhari, il a dit ceci, qu'il faillit céder et tomber dans le piège des hypocrites. Dans le même hadith, il dit, les hypocrites, quant à eux, ont dit, si nous savions que vous allez combattre, nous ne vous abandonnerions pas. Il dit, il n'y a pas de combat. On ne croit pas qu'il y a un combat. Si nous savons qu'il y a vraiment un combat, on ne va pas vous abandonner. Mais on est sûr qu'il n'y aura pas de bataille. Et puis, quand ils s'obstinèrent à retourner, Abdullah ibn Haram, il a dit, ennemi d'Allah, il s'est adressé à eux, il a dit, Allah soutiendra son prophète. Oh, il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de vous, Allah il va soutenir son prophète et les compagnons qui l'ont soutenu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fit descendre à leur propos, il fait descendre, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Quand les hypocrites se retirèrent, il y avait les compagnons se divisèrent. Les uns disent on va les combattre, les autres ils ont dit non, on va pas, on les laisse retourner à Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Qu'avez-vous à vous diviser au sujet des hypocrites alors qu'Allah les a refoulés pour ce qu'ils ont acquis. Ça, c'est quand ils se sont divisés. Est-ce qu'ils doivent les combattre? Combattre les hypocrites qui se sont retirés ou non? Allah, il révéla ceci dans Sourate Nisa. Quand ils ont dit, s'il y avait un combat, on ne va pas vous abandonner, Allah, il révéla dans Sourate Al-Imran, إن الذين تولوا لا إله إلا الله، ده سورة آل عمران. وليعلم المنافقين الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يخفون في قلوبهم ما لا يبدون لك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله سبحانه وتعالى غفل على القبو وكيل ديستنج لزيبوكريت أن أفيدي أسسي فني كمباتر دون لسنتي دالله أو بيان غاردي لزاريير. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient à ce jour-là plus près de la mécréance que de l'iman. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur, et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله يسس كليا دون لو كور اي لي ديلي لارمي il fut réduite à 700 hommes. Abdullah ibn Ubay il s'est retiré avec 300 hommes. L'armée s'avança jusqu'à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit poursuivre sa marche jusqu'à placer ses hommes au pied du mont Uhud. Uhud, il se trouve au nord. Au nord. Lui, il s'est mis, comment il s'est mis où? Il s'est mis au pied du mont de Uhud. Au pied. Et donc, il a mis Médine devant lui. Il a mis Médine devant lui. Et le mont de Uhud derrière lui. Comment le prophète sallam il a choisi exactement cette position. Il a utilisé, ça fait partie de la stratégie, ça fait partie de la stratégie de guerre. Et ça fait, c'est-à-dire, comment le prophète sallam il a réussi, c'est-à-dire avec son intelligence, à choisir exactement cet endroit. Et donc, il s'est trouvé devant une situation, c'est-à-dire lui en bas du mont de Uhud, la pente à sa faveur, et Médine en face de lui. Il a choisi ça parce que c'est une situation déconcertante pour les kuffars. Ça va les perturber. Parce que s'ils vont se mettre, quand les kuffars vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à confronter le professeur Sallam, parce qu'ils étaient plus nombreux. Ils veulent directement qu'il y ait une confrontation. Donc ils le cherchaient. Mais le professeur Sallam, il a gardé son dos, il a donné son dos au mont de Uhud, la montagne derrière lui, et donc eux, ils ne peuvent pas venir de derrière, et en même temps, Médine devant lui. Donc eux, ils sont obligés de se mettre en face de lui. Et s'ils se mettent en face de lui, ils vont laisser Médine derrière lui, derrière eux. Et c'est une situation désavantageuse. Médine, on ne sait jamais ce qui va venir de derrière. Ils vont être dans le doute. Ils vont être désemparés, toujours gênés par ce qui se passe derrière. Parce que la ville, peut-être que les compagnons, ils ont dressé des embuscades derrière. Donc le professeur, ce n'est pas par hasard qu'il a choisi cette position. Et il y a aussi une autre chose. C'est que la pente, elle est en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que lui, il est au-dessus comme ça, et eux en bas. Donc il est plus avantageux pour les archers, pour ceux qui envoient l'arme, les flèches, et même quand ils foncent vers lui, vers les kuffars, ils sont plus avantageux. Les autres en bas, ils reçoivent tout le poids. D'accord? Ça, c'est deuxièmement. Et comme j'ai dit, troisièmement, c'est que le mont Jabal Uhud, il protège l'arrière des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux, les autres, ils ne sont pas protégés. Les compagnons ne sont pas protégés. Intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand ils sont arrivés, les compagnons, ils étaient obligés de faire face aux musulmans et de camper en face des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu la troupe des kuffars, il passa en revue ses troupes à lui. Il donna l'étendard à qui? À Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu. Il lui a donné déjà l'étendard dans Ghazwat Badr, lui et Ali. Là, il a donné l'étendard à Mus'ab ibn Umayr et il a donné la bonne nouvelle aux musulmans. S'ils patientaient, Allah les soutiendrait. S'ils patientent, s'ils sont endurants, Allah il va faire descendre 3000 anges. Il a fait descendre 1000 anges dans la bataille de Badr. Là, il va descendre 3000 anges. Plus encore, s'ils patientent davantage, Allah il va faire descendre 5000 anges. إذ هزمت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الله il vous a soutenu, il vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés, alors que vous étiez moins nombreux. فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Quand il disait aux compagnons, lors te voilà disant croyant, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges, 3000. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Mais si vous êtes endurant et pieux et qu'il vous arrive en cet instant-là, votre Seigneur vous grossira de 5000 anges marqués distinctement. 5000 anges. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Il est vrai qu'Allah nos pères ainsi qu'à titre de bonne nouvelle et pour en rassurer vos cœurs, pour en rassurer, parce que le travail doit être fait par vous. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Le grand travail c'est celui des croyants. Et Allah il envoie les anges pour raffermir les cœurs. Mais d'abord c'est vous qui devez agir. D'accord? Quoi qu'il en soit, la victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant et le sage, pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite et qu'ils s'en retournent donc déçus. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Si vous êtes endurant, condition, si vous êtes endurant, comme les anges sont descendus à Badr, si vous faites les causes comme il faut, Allah il va faire descendre les anges à Uhud également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa en revue, comme j'ai dit, ses troupes et il a trouvé parmi les hommes des garçons qui en dépit de leur âge espéraient prendre part à la bataille. Parmi lesquels Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu. Lui-même, il rapporte dans un hadith authentique qu'il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à peine l'âge de 14 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté. Il a dit qu'il est trop jeune. Et parmi lesquels aussi il y avait Oussam ibn Zayd. Il y avait aussi Zayd ibn, il y avait aussi Ubaida ibn al-Bara ibn Azib, Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Et le prophète sallam, il les a vus 13 ans, 14 ans, puis 10 ans. Il y avait un qui avait 10 ans. Le prophète sallam leur a dit non, retournez à Médine, retournez. Il n'a pas laissé ni Zayd, ni Oussama ibn Zayd, ni Abdullah ibn Omar, ni Zayd ibn Thabit, ni Al-Bara ibn Azib. Et parmi les garçons, il y avait un qui avait 15 ans. Il s'appelle Rafi' ibn Khadij. Il a dit, envoyé d'Allah, moi je suis meilleur archer que mes aînés. Moi, je ne rate pas ma cible. Ah, le professeur lui a dit, puisque tu es un meilleur archer, d'accord, je t'accepte. Il a accepté, puis une autre personne s'est manifestée. Une autre jeune, radiallahu anhu, il s'appelle Samura ibn Jundub. Il a dit, envoyé d'Allah, tu l'acceptes ou tu ne m'acceptes pas? Il a dit, moi, si je le combat, je le bats. Il a dit, moi, je peux le vaincre. Il a dit, il faut me choisir, moi, puisque tu as choisi Rafi', tu me choisis moi aussi. Le professeur Hassan a dit, allez. Il a dit, faites le combat pour que je voie.